Un autre événement avait achevé de troubler ma tranquillité. Madame Dormoy m'avait recherché depuis quelques années sans que je puisse deviner pourquoi. Or, Madame Dormoy, grande admiratrice de Rousseau, fit paraître un roman. Mais, comme après l'apparition de ce roman, Madame Dormoy et sa fille rendaient de fréquentes visites à Rousseau, il écrivit à la mère le billet suivant. Rousseau, ne recevant chez lui aucun auteur, remercie Madame Dormoy de ses bontés et la prie de ne plus l'honorer de ses visites. J'étais déjà sorti plusieurs fois et je me promenais même assez souvent aux Tuileries quand je vis l'étonnement de plusieurs de ceux qui m'ont rencontré qu'il y avait encore à mon égard quelques nouvelles que j'ignorais. J'appris enfin que le bruit public était que j'étais mort de ma chute et ce bruit s'est répandu si rapidement et si opiniâtrement que plus de 15 jours après que j'en fus instruit, le roi même et la reine en parlèrent comme d'une chose sûre. Le courrier d'Avignon, à ce qu'on eut soin de m'écrire, annonçant cette heureuse nouvelle, ne manqua pas d'anticiper à cette occasion sur les tributs d'outrage et d'indignité qu'on prépare à ma mémoire après ma mort en forme d'oraison funèbre. J'eus ainsi la confirmation de toutes mes conclusions précédentes, savoir que la destinée de ma personne et celle de ma réputation ayant été fixée de concert par toute la génération présente. Nul effort de ma part ne pouvait m'y soustraire, puisqu'il m'est de toute impossibilité de transmettre aucun dépôt à d'autres âges sans le faire passer dans celui-ci par des mains intéressées à le supprimer. Je ne puis m'empêcher de regarder désormais comme un de ces secrets du ciel, impénétrables à la raison humaine, la même œuvre que je n'envisageais jusqu'ici que comme un fruit de la méchanceté des hommes. Cette idée, loin de m'être cruelle et déchirante, me console, me tranquillise et m'aide à me résigner. Je ne vais pas si loin que saint Augustin, qui se fut consolé d'être damné si telle eût été la volonté de Dieu. Ma résignation vient d'une source moins désintéressée, il est vrai, mais non moins pure et plus digne, à mon gré, de l'être parfait que j'adore. Dieu est juste, il veut que je souffre, et il sait que je suis innocent. Voilà le motif de ma confiance. Mon cœur et ma raison me crient qu'elle ne me trompera pas. Laissons donc faire les hommes et la destinée. Apprenons à souffrir sans murmure, tout doit rentrer à la fin dans l'ordre et mon tour viendra, tôt ou tard.